des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens tapitants. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et il y a des gens d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Il y a des gens d'argent qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent, des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux, et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la nuit, il y a des gens du matin, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Il y a des gens qui saoulent et des gens soulageants, des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et il y a des gens changeants et il y a des gens stables, des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest, des gens qui vont, d'autres qui restent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux, et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Il y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Il y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Il y a des gens